moi je comprendrai jamais qu'on puisse violer des gosses si à l'école j'ai raté c'est parce que je rigolais des profs. J'ai rarement été contre du changement sur cette terre, à croire que le respect se gagne seulement si tu sais taire. C'est quoi ce monde de fou, j'ai même plus l'envie d'être. Comment tu veux rester droit quand t'es ambidextre, même si ma patate démange à cause des problèmes indigestes. Moi quand j'ai une galère je roule un pilon et je rédige un petit texte. Jure il faut que je vide cette rage que j'ai en moi avec un mental de fer, rarement décidé en bois. En attendant je vois j'oublie en soufflant sur la bougie qui fait que je vois jour nuit. On tourne en rond comme un tournoi de toupie. Le temps se raccourcit et la mort nous a pour cible. Tous les jours je me bats pour vivre en marchant sur un tas de soucis. Comme j'ai pas la maille qu'il faut, je mènerai pas la vie de luxe. Je raconterai toutes mes galères, j'aurai toujours la rime de plus. Vaut mieux un quartier mort que finir mort au quartier. Depuis que j'ai perdu le nord, je raconte ma vie au papier. Vaut mieux rester à l'écart si tu veux pas goûter le vice. Le seul reflet que j'ai de moi, c'est dans une bouteille vide. Vaut mieux un quartier mort que finir mort au quartier. Depuis que j'ai perdu le nord, je raconte ma vie au papier. Vaut mieux rester à l'écart si tu veux pas goûter le vice. Le seul reflet que j'ai de moi, c'est dans une bouteille vide. Sérieux, je suis dégoûté et ce plus les années passent. Je me demande pourquoi la merde est collée à mes passes. Ma gueule je plane, casse dédié aux frères qui savent. Pour redescendre sur terre faudrait une piste d'atterrissage. Tu pourras me voir au quartier avec un écouteur je rappe. Bah bah bah ouais le mal s'affronte et les douleurs se zappent. Dis-toi y'a pas de pandit qui soit inattrapable. Je crois pas que la peine s'oublie, demande à Ruina Mbappa. Je pose des cesses comme un dalleux mais sans faire de pause dessert pour regarder les étoiles. Moi j'attends pas qu'un pote décède. Les hommes sont comme des chiens mais rarement coucou j'panier. Prêt à tuer, faire souffrir pour l'argent tout foudroyé. Je raconte ma vie au papier, c'est une sorte de thérapie. Une fois que ça sort du cœur, cousin c'est assez rapide. J'essaye de vivre mes rêves mais pour l'instant c'est pas trop ça. Ray, laisse-moi faire mon kiff même si ça rapporte pas de zèle. Vaut mieux un quartier mort que finir mort au quartier. Depuis que j'ai perdu le nord, je raconte ma vie au papier. Vaut mieux rester à l'écart si tu veux pas goûter le vice. Le seul reflet que j'ai de moi, c'est dans une bouteille vide. Vaut mieux un quartier mort que finir mort au quartier. Depuis que j'ai perdu le nord, je raconte ma vie au papier. Vaut mieux rester à l'écart si tu veux pas goûter le vice. Le seul reflet que j'ai de moi, c'est dans une bouteille vide. J'en ai marre, c'est sûr, et je voudrais me barrer cash. À force de tourner autour, j'ai fini dans les marécages. Parfois on risque la tôle pour une barrette d'âge. Quand y'a pas d'escalier, comment monter à l'étage? J'ai trop de problèmes à détruire à cause du Z, on a maigri. Le seul moyen que j'ai trouvé, c'est des poèmes à écrire. Cousin, je suis pas reconnu, du moins je ne pense pas l'être. Pour traîner mes erreurs, il me faudrait un transpalette. Donc maintenant je suis qu'un petit con, mais t'inquiète, j'en ai dans le ventre. Si je fais ma vie dans le son, c'est pour plus parler dans le vent. Moi, je suivrai pas les autres comme un mouton dans le troupeau. Étant petit, je rêvais de finir un jour bon dans le football. Ça fait des coups de pute et ça traite de dégonfler. Moi, je resterai toujours le même avec ma tête de défoncé. 18 ans, c'est que le début, pourtant ça paraissait déjà long. Si j'ai pas marqué des buts, c'est qu'on m'a pas laissé le ballon. Vaut mieux un quartier mort que finir mort au quartier. Depuis que j'ai perdu le nord, je raconte ma vie au papier. Vaut mieux rester à l'écart si tu veux pas goûter le vice. Le seul reflet que j'ai de moi, c'est dans une bouteille vide. Vaut mieux un quartier mort que finir mort au quartier. Depuis que j'ai perdu le nord, je raconte ma vie au papier. Vaut mieux rester à l'écart si tu veux pas goûter le vice. Le seul reflet que j'ai de moi, c'est dans une bouteille vide. Vaut mieux un quartier mort que finir mort au quartier. Le sionneur de 009, je raconte ma vie au papier.